Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya haqqa hamdihi, Alhamdulillah, ya rabbil alamin, wa sallallahu ala sharafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi, haqqa qadarihi wa miqdari al-azim, ya himmat al-shaykhi, uhtari lana bihadha al-maqdari, wa al-taqtafi bin nazaratin, ta'ti lana bidhafari. Alhamdulillah, dimanche passé, en date du 27 du mois de Rajab, nous célébrions l'événement du voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al-Isra. À ce sujet, Cheikh Al-Hassan Dem radiallahu anhu écrit dans le livre Nourul Kamal fi Mashhadi Rijal. Cheikh Al-Hassan Dem écrit Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah alladhi tajalla bil ta'ifi nurihi fi qulubil arifina wa fataha lahum bab al-ulumi wal ma'arifi. من بسات ذلك تجلي وعلامهم علوم الأولين والأخيرين والصلاة والسلام على القائلين من الله والمؤمنون مني الذي أسر بلطائفه في بسات حضرة ربه سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم وبعد. Ainsi donc, Cheikh Al-Hassan Dem رضي الله عنه écrit بسم الله الرحمن الرحيم. Par le nom d'Allah, dont la miséricorde s'étend à tous en ce monde et à ceux qu'il choisit dans l'autre. Alhamdulillah, louange à Allah. Alladhi tajalla bi lataifi nurihi fi qulubi al-arifina. Louange à Allah qui a manifesté les subtilités de sa lumière dans le cœur des connaissants. Wa fataha lahum bab al-ulumi wal ma'arifi, et qu'il aura ainsi ouvert les portes des sciences et des connaissances. Min bisati dhalika tajalli, à partir du déploiement de cette manifestation. وَعَلَمَهُمْ عُلُومَ الْأَوَلِينَ وَالْأَخِيرِينَ. Il leur a ainsi inculqué les connaissances des premiers et des derniers. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْقَائِلِ, que prière et paix soient sur celui qui a dit أَنَا مِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنِّي, moi, je proviens d'Allah et les croyants, ils proviennent de moi. الَّذِي أَسْرَى بِلَطَائِفِهِ فِي بِسَاتِ حَضَرَةِ رَبِّهِ, lui qu'on a fait voyager à partir des subtiles composantes de son être, dans le déploiement des enceintes de son Seigneur, lui, Sayyidina Muhammadin, haqqa qadarihi wa miqdari al-azim, lui, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, haqqa qadarihi, à son véritable degré, wa miqdari al-azim, et à l'estimation de son immense valeur. Wa ba'd. Ainsi donc, ce faisant. Charles Hassan Dem écrit: فقد أمرني واحد دهره وفريد عصره سفينة السائرين إلى الله الرقين إلى منازلكم الرجال. Celui واحد دهره, celui qui est unique en son temps. وفريد عصره, celui qui est seul à son époque. سفينة السائرين إلى الله, lui qui est le bateau de ceux qui voguent vers Allah. الرقين progressant ainsi vers les degrés des hommes de Dieu accomplis et réalisés. Lui qui est l'unique, qui est apparu dans ce 14e siècle, ou par l'éducation spirituelle, ou par la guidance, ou par la progression spirituelle, dans toutes les dimensions des connaissances. Ulum al-shari'ati, connaissance de sharia, ulum al-tariqati, connaissance de tariqa, ulum al-haqiqati, connaissance de haqiqa. Lui donc, Maulana, notre maître, wa shaykhina, notre shaykh, al-hajj Ibrahim Anyas, ibn al-hajj Abdullah, fils de al-hajj Abdullah, hafadahu Allah wa ra'ahu, amarani أن أجيب عن هذه الأسئلة أرسلها إليه بعض الإخوان. Celui-là donc, Maulana Cheikh Ibrahim Anies radiallahu anhu, il m'a donné l'ordre de répondre à ces questions qui lui avaient été adressées par certains frères. وَالنَّاسُ سُؤَالِي, et je cite ici les questions. Alhamdulillah, louange à Allah. بعض الإخوان, certains frères, يسألوا, demandent: أي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أسري بها ليلة الإسراء, ليلة الإسراء. Certains frères demandent dans quelles sont les enceintes dans lesquelles on a fait voyager le prophète صلى الله عليه وسلم durant la nuit du voyage nocturne. Halihiya Muhammadiyatu. Est-ce que c'est dans son degré de Muhammadiyatu où il est Mohammed? Am Ahmadiyatu. Ou est-ce que c'est dans son degré de Ahmadiyatu où il est Ahmad? Am Ubudiyatu. Et est-ce que c'est dans son degré de Ubudiyatu où il est serviteur? Am Sayyadatu. Sayyadatu. Ou est-ce que c'est dans son degré de Sayyadatu où il est maître? Et dans quel univers de Dieu, dans quelle enceinte divine l'a-t-on fait voyager cette nuit-là? Est-ce que c'est dans l'univers d'Allah? Est-ce que c'est dans le degré Ahadiyatu? Dans le degré Wahidiyatu? Am Rububiyatu? Am Uluhiyatu? Et est-ce que c'est dans le degré de Rububiyatu, où Allah, où Dieu est Seigneur? Am Uluhiyatu? Ou est-ce que c'est dans le degré où il est Allahu, divin pur? Wassalam. Ceci donc est la question. La question qui a été adressée à Cheikh Ibrahim Agnès, c'est de savoir les modalités du voyage nocturne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a fait voyager durant cette nuit. Mais l'a-t-on fait voyager dans son degré où il est Mohammed, son degré de Mohammadiyatu, ou son degré où il est Ahmed, son degré de Ahmadiyatu? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ce double degré de Ubudiyatu et de Sayyadatu, où il est serviteur et où il est maître, dans lequel de ces deux degrés l'a-t-on fait voyager durant cette nuit-là? Et dans les univers de Dieu, dans les degrés du divin, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé dans l'univers de Ahadiyatu, de l'unité, ou bien de Wahidiyatu, de l'unicité? Et est-ce qu'il a voyagé dans le degré où Allah est de Rububiyatu, où Allah est Seigneur? Le Rububiyatu, c'est là où se déploie l'ensemble des noms et des attributs divins, Am Uluhiyatu, ou est-ce que c'est un voyage nocturne qui a eu lieu dans le degré de Uluhiyatu qui relève de l'essence divine? Wassalam. Waqultu, ainsi donc, moi, Cheikh Al-Hassan Dem, j'affirme, bihawlillahi wa quwwatihi, par la force d'Allah et sa puissance, mustamidan min hadarati khatmiyati Cheikh Ahmed At-Tijani radhiyallahu anhu, m'agrippant à l'enceinte de Khatmiyatu de Cheikh Ahmed At-Tijani radhiyallahu anhu, wa aqulu bi anna an-nabi, ainsi donc je dis et j'affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam waqa'a Allahu al-isra fi Muhammadiyatihi, que le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu dans son degré de Muhammadiyatu sallallahu alayhi wa sallam, alladhi huwa al-martabatu al-jami'atu, qui est le degré de totalisation, les jami' al-maratib, de l'ensemble des degrés, wal hadarati, de l'ensemble des enceintes, wa kulliyat al-haqaiq, et de toutes les réalités, wal asma'i, de tous les noms, wal sifati, et de tous les attributs, wa sa'iri tajaliyati, et de l'ensemble des manifestations. Wa qad waqa'a min su'ali sa'ili arba'un min maratibihi. Ainsi, il apparaît de la question qui a été posée, nous dit Shah Hassan Dem. Bah, il a reçu la question et il a ordonné, il a demandé à Cheikh Al-Hassan Dem de répondre pour lui. Cheikh Al-Hassan Dem dit qu'il apparaît de la question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 4 degrés. Sayyadatuhu, son degré de Sayyadatuhu où il est maître. Wa Ahmadiyatuhu, son degré où il est Ahmed, degré de Ahmadiyatu. Wa Muhammadiyatuhu, son degré Muhammadiyatu où il est Mohammed. Wa Ubudiyatuhu, et son degré de Ubudiyatu où il est serviteur. Amma martabatu sayyadatu wal ahmadiyatu ma waqa'a fihi ma isra'u. En ce qui concerne les degrés de sayyadatu wa ahmadiyatu, en ce qui concerne les degrés où il est maître et où il est Ahmed, le voyage nocturne n'a pas eu lieu dans ces stations, dans ces degrés. Wa huma fi tajallidati, car ces deux degrés de sayyadatu et ahmadiyatu relèvent de la manifestation de l'essence, wahdaha li nafsiha fi nafsiha. Ces deux degrés relèvent de la manifestation de l'essence en elle-même, pour elle-même, l'essence dans son unicité, dans son unité. Wa mal isra'u ya akhi illa tamdidul maratib. Ô mon frère, le voyage nocturne n'est que l'expansion des stations. Wa tartibun nisabi wa tamyizil haqaiq. Il ne s'agit que de la disposition des sources d'origine, de la distinction des réalités, wa ta'yin al-hadarati, de la désignation des présences. Farasuli sallallahu alayhi wa sallam huwa dhilul haqqi tabarak wa ta'ala. Ainsi, le messager sallallahu alayhi wa sallam est l'ombre d'Allah tabarak wa ta'ala. Dhilul haqqi. Wa mazharu wujudihi, il est l'apparition de son existence. Wa martabatu zuhurihi, et il est le degré de ses apparitions, il est le degré des apparitions divines. Telle est la haqiqatul muhammadiyya, ombre d'Allah, apparition de l'existence d'Allah, degré des apparitions divines. Al-Isra huwa sirru risalati, le voyage nocturne, c'est le secret de la risala, du message. Qala ta'ala, Allah dit, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, et nous, tu n'as été envoyé que comme miséricorde pour les univers. Wa qala ta'ala, et Allah dit également, alam tara ila rabbika kayfa madadhila, ne vois-tu pas comment ton Seigneur étend son ombre? Wa qala ta'ala, Allah dit également, Subhana alladhi asara bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit depuis la mosquée al-haram jusqu'à la mosquée al-aqsa. Wa waqa'a al-isra'u ilayhi min hadarati al-haqqi hiya hadaratu al-wahidiyyati wa ar-rububiyyati. Et le voyage nocturne a eu lieu à partir des enceintes divines que sont Hiya Hadaratul Wahidiyatu wa Rububiyatu, que sont les degrés de Wahidiyatu, de l'unicité d'Allah, wa Rububiyatu, et du degré où Allah est Rabbi, Seigneur, tel que vous l'avez déjà compris. Amal Ahadiyatu wal Uluhiyatu huma fi a'ma'i dhati. Quant au degré d'Allah, Ahadiyatu, de son unité, wal Uluhiyatu, et son degré de Uluhiyatu où il est Allahu, huma fi a'ma'i dhati, cela relève de l'essence pure. Isma' min idhn qalbi, alors écoute et entends de par l'autorisation de mon cœur. Wanzur bi 'ayni al-basira, et regarde et observe par l'œil intérieur. Waqif bi qadami sidqi, et avance par un pas de vérité. Fi wadi al-qudsi, dans une vallée sacrée, dans une vallée sanctifiée. Fal aliful fardania, ainsi le alif fardania, vocabulaire très cher au lexique de Charles Hassandem, notamment dans le livre de Nour al-Kamal. Fal aliful fardania, ainsi donc le alif isolé, symbole de l'unicité, symbole du divin. Fal aliful fardania tuzahiru hadarat al-haqi inda isra'i butuni risalati fi bisat al-muhammadiyyati. Ainsi donc le alif isolé, tuzahiru hadarat al-haqi, apparaissent les enceintes divines au moment du voyage nocturne, butuni risalati fi bisat al-muhammadiyyati, dans l'intériorité du message, dans le déploiement du degré de Muhammadiyatu. Wahuna yazharu laka, alors ici t'apparaissent sirrul ayam, le secret des jours. Le secret des jours de la semaine. Qala Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa radiyallahu anhu, et Sayyidina Ali karamallahu wajhahu kala n'oublie sa face wa radiyallahu wa radi anhu, et l'agré. Sayyidina Ali ainsi donc a dit, Sirul Ayami, la ya'lamu haylan nabiyu aw waritu. Les jours de la semaine, le secret des jours, la ya'lamu ha, nul ne le connaît, ilan nabiyu, si ce n'est un prophète, aw warithuhu, ou son héritier. Famtadal alifu awalan, ainsi donc, le alif, ce alif isolé, symbole de l'unicité d'Allah, Famtadal alifu awalan. Ce alif s'est allongé, s'est prolongé une première fois. Fakana hahutan, étant l'univers hahut. Fatajala min hadaratil hahuti al-musirri, et se manifesta alors à partir de l'enceinte du hahut, l'univers sirri, l'univers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'univers du secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'abiru bi yawmil ahad, s'exprimant par le premier jour, fitajalil awali, dans une première manifestation. Thumma mtada thaniyan, puis ce alif, il s'est étendu une seconde fois. Fakana lahutan, étant l'univers de Dieu, lahut. فتجلى من حضارة اللاهوت على الروح manifestant à partir de l'enceinte du lahout l'univers du ruh, l'univers de l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فعبروا عنه بيوم الاثنين, s'exprimant par une, dans le second jour, fitajali thani, dans une seconde manifestation. Puis il se prolongea une troisième fois, kana diabarutan, étant l'univers diabarut. Fatajala min hadarat diabaruti se manifesta alors à partir de l'enceinte du diabarut, alamula aqilu, l'univers de l'intellect du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'abiyaru anhu bi yawmi thalatha fi tajalli thalith, s'exprimant dans le troisième jour, par le troisième jour, dans une troisième manifestation. Fumamtada rabi'an, puis il s'étendit une quatrième fois, fakana malakutan, étant l'univers malakut. Fatajala min hadarat malakuti, et se manifesta alors depuis l'enceinte du malakut, alamul qalbi, l'univers du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'abiru anhu bi yawmi al-arba'a fi at-tajalli ar-rabi'u, s'exprimant par le quatrième jour dans une quatrième manifestation. Thumma amtada khamisan fa kana nasutan, puis il se prolongea une cinquième fois étant l'univers nasut. Fatajalla min hadarati an-nasuti, et se manifesta alors à partir de l'enceinte du nasut, alamu an-nafsi, l'univers du nafs, de l'âme. فعرب عنه بيوم الخميس في التجلي الخامس, s'exprimant dans un cinquième jour, dans une cinquième manifestation. وهذا هو إسراء البطون المحمدية, ceci c'est le voyage nocturne de la phase batine du degré de Muhammadiyatu في حضرة الحق, dans l'enceinte divine, بمعنى قوله تعالى, qui est la signification même de la parole d'Allah, Subhanalladhi asara bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit à partir de la mosquée al-haram jusqu'à la mosquée al-aqsa. Wa huna tafham anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam usri bi 'ubudiyatihi fi bisati muhammadiyatihi. Alors tu comprends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette nuit-là, on l'a fait voyager dans son degré de 'ubudiyatu, où il est serviteur, fibisati muhammadiyatihi, dans le déploiement de son degré de muhammadiyatu, où il est Muhammad, min hadarati rububiyati Allah ta'ala fi wahidiyatihi, depuis l'enceinte de la seigneurie d'Allah ta'ala, depuis l'enceinte du degré de rububiyatu d'Allah, fi wahidiyatihi, dans son unicité, son degré de wahidiyatu. Wa min huna tarashumu sulatay fil abdi, dès lors, tu vois les soleils des subtiles composantes de l'être, de l'ataif l'abd, que sont siru, ruhu, akhilu, qalbu, nafsu, le secret, le ruh, l'esprit, l'intellect, le cœur et l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tasharaqa anwaruha, tu verras alors le soleil des subtiles composantes de l'être faire apparaître leur lumière, fissamayi hadarat al-haqi, dans le ciel des enceintes divines. Des enceintes divines que sont Harut, Lahut, Jabarut, Malakut, Nasut. Wa min hadha al-ilm al-azim, à partir de cette connaissance immense, wa mashalil jalil, et de cette splendide contemplation, tarahu sallallahu alayhi wa sallam, tu le verras lui, sallallahu alayhi wa sallam, huwa dhilul haqq, être l'ombre d'Allah. Wa mustawa rahmatihi, être l'établissement de sa miséricorde, ala sa'iri makhluqatihi, sur l'ensemble de ses créatures, wa asnafi mawjudatihi, et tout l'alignement de son existence, de ses existences. Wa huna fi hadhihi al-maratib rububiyyati ar-rahman, et alors dans ce degré de la seigneurie du miséricordieux, de rububiyatu d'Allah ar-rahman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la source de la miséricorde seigneuriale. Et alors tu verras l'ensemble des êtres, toutes les créatures, être en rang dans le déploiement de cette présence de Muhammadiyatu. Sufuf al-malaika, dans cette Haqiqatul Muhammadiyah, où apparaissent toutes les réalités, tous les univers, toutes les créatures, toutes les manifestations. Tu verras alors tous être en rang. Sufufu al-Malaika wa ruhaniyin. Tu verras être en rang les Malaika et les ruhaniyin et les créatures spirituelles. Wasufufu al-Jinna wa shayatin wal-ins. Être en rang les djinns, les shayatin, les hommes. Wasufufu al-Hayawanati wal-Jamadati. Être en rang les Hayawanati, les animaux, wal-Jamadati, les êtres non animés. Wasayiri tabayi al-Ajaram wal-Ajarami. Ainsi que toutes les autres natures et espèces. Et alors, il est, sallallahu alayhi wa sallam, il est l'arbre de l'existence. Il est l'ombre de l'existence. Il est la lumière des existences. Il est ainsi descendu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est ainsi descendu du Muhammadiyati dans son degré de Muhammadiyatu wasara muratiban et on l'a fait voyager muratiban bilatayfihi fi hadarati rabbihi et on l'a fait voyager par les subtiles composantes de son être dans les enceintes de son Seigneur étant sirran wa ruhan wa aqlan wa qalban wa nafsan secret, esprit, intellect. Cœur, âme, fi alamul malakuti, dans l'univers du malakut. Walamalabisa malabisa al-bashar. Et puis, lorsqu'il a revêtu l'habit de l'humanité, Muhammad ibn Abdullah, il est devenu Muhammad, fils d'Abdallah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on l'a fait voyager dans son degré de ubudiyat, où il est serviteur, min alamin nasuti, à partir de l'univers du Nasut et la Malakut Ar-Rahman jusqu'au Malakut du Miséricordieux, l'Iyara Ayatullah, afin de lui montrer les signes d'Allah. Wa kayfa sajada butunuhu wa lataifuhu fi hadarati rabbihi. Et comment se prosternent ces degrés batin et les subtiles composantes de son être dans les enceintes de son Seigneur. ومن هنا تفهم قول الإمام البصيري رضي الله عنه. Et alors nous dit Cheikh Hassan Dem رضي الله عنه. Et alors, tu comprends alors la parole de l'imam Busayri رضي الله عنه. Cette parole du Bourde où l'imam Busayri dit فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. Que summum de la connaissance qu'on puisse avoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, annahu basharun, c'est que c'est un être humain. Wa annahu khayru khalqillahi kullihim, mais qu'il est la meilleure de toutes les créatures d'Allah. Charles Hassan Dem continue en disant wa min huna tara shumusa maqam risalati wa nubuwati adore. Alors tu vois les soleils des stations de risalati wa de nubuwati, les stations de messagers et de prophètes. De messages et de prophéties. Wa maqal qudbaniyatu wal fardaniyatu wa sidiqiyatu. Tu vois la lumière des stations de la qudbaniya, fardaniya, sidiqiya. Tali'an min samay bisati muhammadiyatihi sallallahu alayhi wa sallam. Apparaître dans le ciel de l'étendue de sa station de muhammadiyatu sallallahu alayhi wa sallam. Wa'usariya bizahirihi fa'alam nasuti. Et ainsi on l'a fait voyager dans son aspect zahir. Dans l'univers Nasut, kama usar bi butunihi fi alam al-malakut, de la même manière qu'on l'a fait voyager dans son aspect batin, dans l'univers malakut. Wa huwa ahmad fi butunihi, et dans son aspect batin, il est Ahmed. Wa Muhammad fi zuhurihi, et il est Muhammad dans ses aspects zahir. Wa huna matlabu rijal wa mawqifu shuhudi. Et c'est là que se trouve la quête des hommes de Dieu, la contemplation à laquelle ils aspirent, la connaissance qu'ils recherchent. C'est ça l'objectif même de leur volonté de progression. Et si tu as compris les modalités de son voyage nocturne, du voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu as compris que ceci a eu lieu, fi Muhammadiyatihi wa Ubudiyatihi, dans ces degrés de Muhammadiyatu, où il est Mohammed, et de Ubudiyatu, où il est serviteur. Wa isara ilayhi fi wahdiyatul haqqi wa rububiyatihi. Et on l'a fait voyager dans le degré de l'unicité d'Allah, wahidiyatu wa rububiyatihi, et dans le degré de rububiyatu d'Allah, où il est Seigneur. Si tu sais cela, si tu as compris cela, ta'lamu yaqinan anna al-isra'a innama huwa fil muhammadiyatu wal 'ubudiyatu, alors tu sais avec certitude que le voyage nocturne a eu lieu dans les degrés de muhammadiyatu et de 'ubudiyatu fi bisati rububiyatu wal wahidiyati, dans le déploiement des degrés d'Allah de rububiyatu et de wahidiyatu. وأنا المرتبة الأحمدية والسيادة et les degrés de أحمدية et de سيادة, les degrés du prophète sallallahu alayhi wa sallam de أحمدية où il est Ahmed, de سيادة où il est maître. وهي فلوك العالي, ce sont des astres, ce sont des orbites élevées. يدور حول الذات العالية, qui tournent en permanence autour de l'essence élevée, الذي ما فوقه هواه وما تحته هواه, de cette essence élevée au-dessus duquel il n'y a rien que le vide, et en dessous duquel il n'y a rien que le vide, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici Shah Sandem fait allusion à la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de la condition d'Allah avant l'existence, en azal. Wa ilayha qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est à cela d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion lorsqu'il dit li waqtun ma'a rabbi la yas'ani malakul muqarrabun wa la nabiyyun mursalun, que j'ai moi avec mon Seigneur des instants tels que nul ne pourrait s'y immiscer, ni un ange rapproché ni un prophète messager. Wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, ou comme il l'exprime par cette autre parole, sallallahu alayhi wa sallam, كنت نبيا عارفا بنبوتي ورسالتي وأدم بين الماء والطين لا أدم ولا ماء ولا الطين ولا العرش ولا الكرسي ولا السماوات السبع ولا الأرض السبع ولا الجنة ولا النار ولا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, j'étais prophète, connaissant mon degré de prophète et de messager, wa adama bayna al-ma'i wa al-tin, alors que Adam était entre l'eau et l'argile. Et même, il n'y avait pas d'Adam, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'argile, il n'y avait pas de trône, il n'y avait pas de kursi, il n'y avait pas les sept cieux, il n'y avait pas les sept terres, il n'y avait pas le paradis, il n'y avait pas l'enfer, il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Voilà, voilà, voilà. Cheikh Al-Hassan Lema radiallahu dit, wa amal ahadiyatu wal uluhiyatu, quant au degré d'Allah, que sont les degrés de ahadiyatu, de son unité, wal-uluhiyatu, et de son degré où il est de uluhiyatu, où il est divin pur. Fahiyatajalli dhati, ceci relève de la manifestation de l'essence. Matajalli ahad, qui ne se manifeste à aucun, illa li nafsihi fi nafsihi ma'a nafsihi, si ce n'est pour lui-même, en lui-même, avec lui-même. Haythu kana Allah wa la shay'a ma'ahu, là où Allah est et rien, aucune autre chose et aucune chose n'est avec lui. Wa ilal ana ala ma alayhi kana, et il demeure aujourd'hui tel qu'il l'a toujours été. Haythu la isma wa la sifata wa la rasma wa la aina wa la kayfa wa la kharija wa la dakhila wa la mutasila wa la munfasila, qul huwa Allahu ahad, exprimant l'essence de Dieu, ou haythu la isma, où il n'y a ni nom, voilà sifat, ni attribut, voilà rasma, ni modalité, voilà aina, il n'y a pas de où, voilà kaifa, il n'y a pas de comment, voilà kharija, il n'y a pas de sortie, voilà dakhila, il n'y a pas d'entrée, voilà mutasila, il n'y a pas de connexion, voilà munfasila, ni de déconnexion. Qul huwa Allahu ahad, ce degré de uluhiyatu qu'Allah exprime par cette parole, qul dit, huwa Allahu ahad, lui, Allah est un. وقد بنى أسرار الإسراء هو عمى السؤال السائل وقد انبسط القلام هنا بتنجات العلم في ميدان المعرفة من أسرار الإسراء. Alors, les secrets du voyage nocturne sont alors apparus à ceux qui ont posé la question, à ceux qui ont interrogé par ce qu'a pu déployer la plume ici-bas comme connaissance ici-bas, c'est-à-dire par ces mots, ce que la plume a pu déployer de connaissances, fi midanil ma'arifi, dans les territoires des connaissances, min asara l'isra, depuis les secrets du voyage nocturne. Wal isra ma'nahu sarayanu. Et le voyage nocturne signifie, nous dit Shah al-Hassan Dem, le voyage nocturne signifie cheminement. Le voyage nocturne signifie progression. Wa mazala Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam mundu tajallat latayfuhu fi bisati hadarat al-haqi fi sa'iru sarayani. Et cette progression, Muhammad ibn Abdullah n'a jamais cessé de l'effectuer. Mundu tajallat latayfuhu fi bisati hadarat al-haqi. Depuis que c'est les subtiles composantes de son être, qui sont au nombre de cinq, Sirur, Ruhu, Aqilu, Qalbu, Nafsu, ont été manifestés dans le déploiement des enceintes divines, Harut, Lahut, Jabarut, Malakut, Nasut, Fissayiru, Wasarayani, dans son cheminement spirituel, dans sa progression incessante, Fissayir al-Hadarati, dans l'ensemble des enceintes, Wal-Haqaiq, dans l'ensemble des réalités, Wal-Maratib, dans l'ensemble des degrés, Wanasabi, Wanisab, dans l'ensemble des sources, et l'ouïe n'entend que sa sonorité. Et l'œil et le cœur ne perçoivent que sa forme. Tu le vois lui, par ses subtilités, dans les enceintes de son Seigneur. Et tu le vois. Abdan Muniban, être un serviteur soumis. Mundu khalaqa Allah haqiqatahu, et cela depuis qu'Allah a créé sa réalité. Mazala fi salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'être dans la prière, il al abad, et il ne cessera de l'être jusqu'à il al abad, pour l'éternité sans fin. Tarahu sallallahu alayhi wa sallam, tu le vois lui alors sallallahu alayhi wa sallam, qa'iman bi sirrihi al-azim, être debout. De par son sirru, de par son secret immense. Yusalli fi mihrabi hahut il-aliya, être debout par son sirru, à prier dans le mihrab du hahut élevé. Waraki'an bi ruhihi, et tu le vois s'incliner par son ruh, par son esprit latif, son esprit subtil, fi lahut il-udma, dans le lahut immense. Warafi'an min ruku'ihi, et tu le vois se redresser de son inclinaison bi'aqlihi, de par son intellect, fi jabarutil 'izza, dans le jabarut, dans le noble jabarut, wasajidan biqalbihi al-munir, et tu le vois se prosterner par son cœur illuminé, fi malakuti ar-rahman, dans le malakut de l'infiniment miséricordieux, warafi'an min sujudihi, et se redresser de sa prosternation, bin nafsihi zakiya, de par son nafs purifié, fi nasuti al-aqdasi, dans l'univers nasut sanctifié. وهذا هو عكوفه صلى الله عليه وسلم بلطيفه الخمس في مساجد المراتب الإلهية. Et ceci sont ses attitudes, ses postures, sallallahu alayhi wa sallam, et les postures de ses composantes, de ses cinq composantes, dans les oratoires des degrés divins. Wa khatibuhu maulahu, et son Seigneur s'adresse à lui en lui disant, Wasjud waqtarib, et prosterne-toi et rapproche-toi. Yani, c'est-à-dire, nous dit Shah Sandem, Washhad ya Muhammad, contemple, ô Mohammed, l'intensité de ma proximité avec toi, et contemple du déploiement de tes composants dans mes présences. Et là, par le délice de la parole, par la pratique des commandements, par le fait de répondre à l'appel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à l'appel en disant, cet appel qui est Wazrud waqtari, prosterne-toi et rapproche-toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cela répond, Sajadallah kasawadi wa khayali. Je te prosterne, je prosterne devant toi, je prosterne à toi, ô Allah, sawadi wa khayali, ce qu'il y a de pur, ce qu'il y a de sombre en moi. Tout mon être, je te le prosterne. وهذه الصلاة يا أخي هي إسراء المقربين. Et cette prière, ô mon frère, c'est ça le voyage nocturne des gens de la proximité, min khawasi, parmi l'élite d'entre eux. Min khawasi hadhihi al-ummati, parmi l'élite de cette communauté. Wa huwa namus alladhi waqira fi sarri as-siddiq. Et c'est l'honneur révéré dans la poitrine des véridiques. Fahaza bil fadli, qui ont été touchés par la grâce. Wa min huna qalu as-sufi ibn waqtihi. Et c'est là alors qu'on dira que as-sufi ibn waqtihi, que le soufi, c'est le fils de l'instant. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous me voyez prier, priez tel que vous me voyez prier. Wa huwa al-imam al-a'zam, et c'est lui l'immense guide, l'immense imam. Alladhi wara'uhu sa'iril ka'inati, derrière lequel se trouve l'ensemble des êtres. Wa kafatil khalqi wa 'amatul mawjudati, toutes les créatures et l'ensemble des existences. Wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi, et il n'est de chose qui ne le glorifie par sa louange. Kullun qad 'alima salatuhu wa tasbihahu, toute l'existence connaît sa prière et sa glorification. Ainsi donc, si tu te lèves pour prier, ô mon frère, alors veille à ce qu'il soit, lui, devant toi. Alors veille à ce que soit devant toi, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Veille toujours à ce que soit devant toi, Sayyidina Muhammad, fils d'Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Waqtadi bihi fil qiyami wa ruku'i wa sujudi wa raka'i minahuma. Et suis-le. Et veille à ce qu'il soit toujours devant toi, dans ta station debout, incliné, prosterné, et lorsque tu te relèves de cette station inclinée, de cette station prosternée, bi'antarahu fil dayfi, alors tu le verras par la subtilité de sa présence. Kama dhakarna, comme nous l'avons mentionné, fi hadarti maulahu, tu le verras dans ses subtiles composantes, dans les enceintes de son Seigneur. Wassalli fi jami'i awqatika, bihadhi salat al-mubaraka, et prie à tout moment de ta vie de par cette prière bénie. Wa in 'alimta man 'indahu hadha al-'ilm al-'azim fa'rid an tusalli khalfahu, et celui qui aura appris et compris ce que cela contient de connaissances immenses, celui-là, فَحَرِيسَ أَن تُصَلِّي خَلْفَهُ, il devra toujours veiller et prendre bien soin à prier derrière lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Hassan Dam dit: وَهَكَذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى جَوَابُ الْأَسْأَلَاتِ, et ceci est-ce qu'Allah nous a ouvert de réponses, nous a donné de fathou pour apporter des réponses aux questions qui avaient été posées. Questions qui avaient été posées à Cheikh Al-Islam Al-Hajj Ibrahim Niyas radiallahu anhu. Et il a demandé à Cheikh Al-Hassan Dem de répondre à la question. Wassalam, intaha yawm al-ahad. Ceci donc a été achevé d'écrire le jour de dimanche, le 11, le dimanche 11, al-layl al-mawad al-nabiyu, du mois de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le dimanche 11 du mois de Rabi al-Awwal, en l'an 1393, bi-madinatu Kaulach, à Medina Tukawlach, Medina Bay. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa, wal-khatimi lima sabaqa, nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdari al-azim. Alhamdulillah.